Chapitre 34e. Après avoir longtemps côtoyé des terres incultes, nous arrivâmes enfin devant des champs où s'élevaient des cases assez bien construites. Nous approchions de Kanoma. Là était le véritable Madeira. Nous venions de remonter un de ses bras, et j'avais pour itinéraire de redescendre par un autre, qui alors prenait le nom de Paranamirim, et descendait derrière différentes îles pour se rendre dans l'Amazone, beaucoup plus bas que la bouche par laquelle je l'avais remonté. J'avais une lettre pour le vicaire de Kanoma. Je fis remonter le canot jusqu'en face de ce lieu, et nous y passâmes la nuit pour être prêts à descendre le lendemain de bonne heure. Le vicaire était absent. Son frère m'a reçu fort obligeamment, et après déjeuner, je l'ai prié de me procurer de suite un modèle. Il en a fait venir un qui s'est prêté assez facilement à ce que je désirais de lui. Dans ce petit endroit, habité seulement par le vicaire et quelques Portugais sous ses ordres, on faisait construire une église. Plusieurs Indiens, à peu près sauvages, avaient été requis pour ce travail. Il y avait là une tribu entière de Mondorucus, hommes, femmes et enfants. Ces tribus sont les plus estimées pour leur douceur, leur bravoure et leur fidélité. La plupart de ces Indiens étaient à moitié vêtus. Les femmes avaient de tout petits corsets descendant sous la poitrine, et celles qui avaient des jupes les attachaient fort bas. Ces braves gens passaient la journée à travailler en riant aux éclats avec leurs femmes, grosses et fraîches gaillardes, qui alors ne s'inquiétaient guère si leurs corsets ou leurs jupons allaient tout de travers. Leur bonhomie me réconciliait avec la race indienne. Je savais que les Mondurucus habitaient les bords du Madeira. On m'avait assuré qu'en remontant je trouverais des Araras, tribus dangereuses et ennemies des Mondurucus. Je voulais, à tout prix, rapporter quelques souvenirs palpables de ces peuplades non encore civilisées. Mais les renseignements me manquaient tout à fait. Aussi, me confiant la destinée, comme les Turcs à la fatalité, je quittai Kanoma et je fis prendre le large à mon canot. Si mes Indiens ne réclamèrent pas, ils ne purent s'empêcher de montrer quelques signes de mécontentement quand j'ordonnais de ramer du côté de l'intérieur d'où descendait le Madeira. Plus nous remontions, plus les arbres me paraissaient grandir. 4 jours se passèrent sans aborder. J'avais presque épuisé mes provisions et j'attendais avec bien de l'impatience l'occasion de changer de position. Toujours des terres mouvantes, des arbres brisés. On m'avait dit à Manaus que je trouverais sur le Madeira, depuis l'embouchure jusqu'à Kanoma, des provisions en quantité, surtout abondance de gibier, et je n'avais rencontré que les barques dans lesquelles j'avais acheté 2 tortues et 1 poisson. Heureusement que j'avais une provision de pain. Mais quand fut consommée celle qui se trouvait à ma portée, et que je dus recourir à celle que j'avais abritée sous mon parquet, je fus terrifié. Les pluies m'avaient déjà détérioré des objets sans importance en déteignant mes rideaux verts, dont la couleur avait fait tache sur d'autres effets. Mais je n'avais pas prévu un dommage plus grave. Tous mes biscuits étaient collés les uns contre les autres, ne formant plus qu'un seul morceau gluant et de couleur bleu sale. C'était le commencement de mes privations. Je passai une partie de la journée à détacher chaque biscuit, et avec mon couille, moitié de calebasse, plein d'eau, que j'avais l'habitude de mettre dans mon chapeau pour le maintenir debout, car le couille est rond, je les lavais et enlevais autant que possible ce bleu, qui ajoutait au moisi naturel une apparence plus repoussante. La cachaça, dont une partie m'avait été volée de nouveau, avait pu se renouveler à Kanoma. Je donnais, outre la cachaça, des poignées de farine aux Indiens. Ils la mêlaient avec de l'eau, et cette boisson paraissait leur être fort agréable. J'avais augmenté leur portion et j'en donnais 2 fois par jour avant mon coup d'état. Je n'en donnais plus qu'une fois. Il était très prudent de ménager ma provision. J'ignorais tout à fait ce que je trouverais plus tard. En attendant mieux, je fis pousser le canot à terre pour faire une cueillette de limons et d'oranges que j'avais aperçus au sommet d'un monticule. Ces limons me servaient de vinaigre pour manger mon poisson salé et de boisson également. Avec ma cassonade et mon couille rempli d'eau, je me passais très bien de boire du vin. Mais peu à peu ce régime détruisit ma santé, car si je buvais beaucoup, je ne mangeais presque pas. J'avais économisé mon fromage de Hollande. Un jour, il fallut l'entamer. Bien assis sous mon toit, que j'aurais pu, au commencement du voyage, appeler un toit de verdure, mais qui alors n'était plus qu'un affreux paillasson, je dessinai une petite place avec mon couteau sur la côte du fromage et j'appuyai doucement dessus, comme on le fait pour enlever le couvercle d'un vol au vent. Je n'avais probablement pas appuyé assez fort. Je recommençais, et à chaque épreuve, j'ajoutais un effort de plus au précédent. L'arme inutile me tomba des mains. Un léger frisson me parcourut tout le corps. M'avait-on trompé? Avais-je, par mégarde, acheté l'enseigne du marchand et pris un fromage de bois? Non, ce fromage était bien un fromage, mais il avait à un degré extraordinaire le sentiment de la résistance. Car pour y goûter, je fus sur le point d'employer une vrille afin de faire un léger trou au milieu. À l'aide d'une scie, une fois entré dans la place, il me vint une idée bien heureuse. Je fis répandre dans le trou un peu de beurre, qui, grâce à la température, était à l'état d'huile, et je pus augmenter par ce moyen, à l'aide de mon couteau, l'ouverture ainsi détrempée. Je fis ce premier repas sous les yeux de mes deux singes, postés à une des fenêtres de leur observatoire. Ils avaient fait des trous au-dessus de ma tête.